Alors ici, Elgato, cette semaine, vu que nos chers Nelson est un homme très très très occupé, Occupé. voilà, et c'est un businessman, tout ça. Bref, du coup, je ne suis qu'avec Nio cette semaine. Eh oui. Donc, nous avons néanmoins trois films à vous faire parler. Enfin, à vous faire parler, dont on va vous parler. Nous allons vous faire parler. Nous avons les moyens de vous faire parler. C'est la fatigue, c'est la fatigue. Ouais. Nous aurons d'abord les filous de Barry Levinson avec moi-même. Ensuite, on va enchaîner avec l'horloger de Saint-Paul de ce regretté Bertrand Tavernier avec Nio. Yep. Et enfin, I'm not a serial killer de Billy O'Brien avec moi-même. Palou palou. Donc, je vais commencer. Mais vas-y, commence. Donc, alors, les filous. Mince, oui, c'est un film de quelle année déjà? Je me replie dans mes notes. Oui, c'est un film de 87. Voilà. Et c'est un film de 87 de Barry Levinson. Donc, le pitch, en gros, c'est Baltimore, 1963. Ernest Tilly et Bill Bibi Babowski sont deux vendeurs en porte-à-porte d'aluminium pour bardage. Le bardage, c'est les trucs pour protéger les murs extérieurs, en gros. J'ai du mal. Ouais, j'ai du mal à comprendre. Tu sais, les maisons, tu sais, qui ont des espèces de lattes dessus, tu vois. Moi, c'est ça, en fait. Ils mettent de l'alu par-dessus. Moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ils travaillent dans deux sociétés différentes et un jour, ils vont se rencontrer lorsque Bibi, donc, Bill Babowski cause un accident au volant de sa voiture, cette toute nouvelle Cadillac qui vient de s'acheter, et qu'il emboutit l'autre Cadillac de Tilly. Donc, Ernest Tilly est joué par Danny DeVito et Bill Babowski est joué par Richard Dreyfuss. On a un casting plutôt sympathique, hein, un peu typique aussi des années 80, pareil. Donc, attends, je reviens sur mon petit fil. Donc, au casting, on a donc Richard Dreyfuss. Richard Dreyfuss, Les Dents de la Mer, Rencontre du Troisième Type. Les grands acteurs. Ouais. Always aussi, je crois que c'était Spielberg. Enfin, bon, voilà, c'est présent plus. Danny DeVito aussi, bon, voilà, pas la peine de faire sa filmo. Et on a Barbara Hershey. Qui alors là, enfin, je sais pas si c'est pas vraiment le genre de meuf qu'on. Enfin, c'est une actrice typique de cette époque-là, mais en même temps, je trouve qu'elle est oubliée en fait dans les grandes actrices. On parle jamais vraiment d'elle, alors qu'elle a fait des pas mal de trucs. Elle a une carrière mais longue comme le bras. Et elle tourne encore en fait, apparemment. Alors que quand même, bon, elle a 73 ans. Ah oui. Ouais, mais regarde sa photo sur Wikipédia en 2016, tu donnes pas 73 ans. Clairement pas. Et donc, il y a une actrice australienne dont je sais plus le nom, qui lui ressemble énormément. Et c'est pour ça que des fois, j'ai un peu de confusion, parce que je me suis dit, mais quel âge elle a cette actrice? Alors qu'en fait, c'était pas la même du tout. Elle a joué Ah dans oui. elle Je a vois joué. une photo récente de Barbara Archer, T'as effectivement. vu? Bon, elle a joué dans Emprise de Sidney Furie qu'on avait vu lors d'une projection, je crois il y a 2 ans, je sais plus, ou 1 ou 2 ans. Et l'Emprise qui pour moi est un film assez féministe en fait, je l'avais déjà Très dit. grand film. Ouais, mais pour moi c'était assez féministe parce que la manière parce qu'elle passe par des trucs dans le film de fou, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'histoire, elle se fait violer par un fantôme, en fait. Et en fait, par une entité. Et en fait, toute l'attitude des médecins, toute l'attitude de l'entourage très masculin de dans ce film, en fait, c'est exactement ce par quoi passe n'importe quelle femme, C'est quand ça. elle veut. Elle Voilà, doit donc. montrer qu'elle n'est pas folle, qu'elle n'est pas hystérique, etc. Voilà, c'est ça. Et en plus, on exerce le fait qu'elle est mère célibataire, son mode de vie, machin et tout. Et c'est des trucs typiques, tu vois, quand on veut mettre la parole d'une nana en doute, c'est qu'on fait. Et c'est pour ça que je trouve que, et ce film-là, l'emprise date de 82 quand même. Donc, et voilà. Et le film pas fantastique qui est bien foutu dans le film aussi. Oui. Donc voilà, bon, là, l'emprise est un des nombreux films qu'elle a joué. Elle a commencé sa carrière à la fin des années 60, donc voilà quoi. Et ce qui est marrant, c'est qu'elle a joué dans un film d'Alessandro Aja en 2016. La neuvième loupie de Louis Drax. Donc voilà, et puis en plus plus toute sa carrière à la télévision aussi, enfin, bref, c'est une actrice qui a été énormément active et dont je trouve on parle pas assez et c'est bien dommage. C'est vrai. L'histoire du film, bah, c'est avant tout une bonne vieille rivalité bien virile, à base de voitures, de paris, de bonnes femmes, de moments partagés au resto. Parce que ça se passe dans les années 63 quand même. C'est ça, le contexte de cette année-là est super important. Hein. Parce que c'est aussi une époque où justement, on pouvait, quand t'étais vendeur de porte-à-porte, tu pouvais trouver des combines qui s'apparentaient un peu à de l'arnaque, quoi. Parce que ça, à cette époque-là, ça passait encore crème, quoi. Et la bonne époque où le chum dit, t'es pas grave, tu retrouves un boulot dès le lendemain. Oui, ah voilà. Ouais. Il y a aussi pas mal de moments virils au resto, au bar, billard, avec de l'alcool, des clopes, enfin voilà, toute cette ambiance-là, typiquement, des États-Unis, des années 60, dans une grande ville. Mais alors de tout ça découle un sous-texte. C'est pour ça que j'insistais sur l'emprise tout à l'heure. C'est il y a un sous-texte sur la domination des hommes. Époque où justement les femmes étaient bien plus sous la domination des hommes que maintenant. C'est un peu comme si voilà, t'as l'impression que dans le film c'est un peu comme si les rues étaient peuplées de Pierre Ménès. Donc ah ouais. voilà. C'est pour faire part à l'actualité récente de ce cher Pierre. À l'américaine, parce que l'américaine, c'est toujours un peu plus light, mais voilà. Bah, tu vois, par exemple, quand on est dans un resto et que il montre bien qu'il y a des femmes qui se pâment devant un pianiste, le pianiste du resto, avant de montrer en contraste les vendeurs qui terminent leur dîner et qui prennent les serveuses de haut et leur parlent comme des boniches. Parce qu'ils sont quand même bien bien beaux, enfin ces vendeurs. On a un couple, par exemple dans une scène en fait, parce que en fait c'est l'autre sous-texte, c'est les jeux de séduction en fait, les jeux de séduction et les relations de couple. Hein. Il y a deux sous-textes quoi. Et surtout la manière dont les femmes sont traitées dans les relations de couple à cette époque. Donc du coup le resto avec les femmes et les serveuses et le pianiste et donc ce couple en fait à un moment je sais plus dans quel temps en fait il y a le personnage de Richard Dreyfuss qui est à l'extérieur et tu sais pas pourquoi en fait il met l'accent sur ce couple qui est en train de s'engueuler derrière à tel point qu'en fait il fait un plan dessus spécialement quoi où dans le contexte d'une bonne rivalité virile il faut séduire la femme de l'autre qui devient un outil de vengeance et devient du coup un dommage collatéral pour avoir voulu un peu plus de rêve et d'attention parce que elle dans son mariage elle est pas super bien traitée du coup t'as l'autre qui arrive en disant ouais t'es magnifique et tout machin donc si tu veux voilà mais alors que pour lui c'est juste un jeu bon après il y a une suite c'est un peu mieux par la suite mais voilà je vais pas se lever mais voilà, en fait, c'est le truc qui m'a surpris dans le film, c'est à quel point il est clairement démontré que les hommes sont chiants avec les femmes. Ils ont absolument pas un portrait très reluisant, quoi. Comme le personnage de Barbara Hershey, par son mari ou par le mec qui la récupère, en fait, il est qualifié de chieuse ou d'emmerdante, tu vois. Comme t'as l'impression que et c'est très classique dans les relations homme-femme, t'as un mec dans son couple, il dit ah, elle est chiante, ma meuf et tout, enfin tout le temps, un truc comme ça. Et alors qu'en fait, dans le film, tu la vois pas, en fait, qui est chiante. Elle est juste aimante, elle est juste compréhensive, elle est juste là, en fait. Et où elle tente un peu d'égayer son quotidien, c'est tout, quoi. T'as l'impression qu'il y a ça aussi dans la relation de couple qui est mis en valeur. Mais après le film, il a une facture typique d'une prod classique américaine de ces années-là, c'est-à-dire que c'est techniquement, il y a rien à dire, c'est au niveau de la photo, bah c'est nickel aussi. Enfin voilà, c'est il y a une image très très typique des années 80 quoi. Mais pas l'année 80 kitsch. Le grain du film est super agréable à voir quoi. Et à la bande originale, on a les Fine Young Cannibals. Yeah. Ouais. En fait, ils apparaissent. Ils jouent un groupe qui un groupe qui est dans le bar, dans un bar où les personnages vont souvent. Et ils réapparaissent à quelques autres moments du film. Et en fait, ils apparaissent allez, après la première demi-heure du film avec cette chanson-là. Sais pas si on entend, hein. Pas vraiment, mais c'est Ah, un blog. si là. Ça me dit quelque chose en plus. Eh oui. Bon, ça a été un de leurs gros succès en fait, et à la base, elle émanait de ce film en fait. Donc voilà. C'est la chanson Good Thing. Donc et après ouais, ils apparaissent à d'autres moments où ils chantent aussi voilà et c'est eux qui sont occupés de la BO donc après juste en détail d'histoire parce que j'ai parlé du fait qu'il y avait une rivalité et des sous-textes il y a aussi un côté où qui est un peu le côté un peu moralisateur du truc c'est enfin, où ils sont rattrapés par la morale, c'est quand je parlais des arnaques tout à l'heure, ils situent ça à une époque où justement, en fait, dans l'histoire, il y a une commission, en fait, qui est là, qui décide de mettre fin à ce genre d'arnaque, en fait. Et ils se font rattraper aussi pour là-dessus, quoi. Donc en fait, c'est-à-dire qu'aux deux niveaux, c'est-à-dire que sur la manière dont ils traitent les femmes et sur la manière dont ils sont dans la vie professionnelle, sur les deux points, ils se font rattraper et finalement leur rivalité passe à la trappe. C'est-à-dire que c'est comme si on disait bah t'es gentil, mais dans vos concours de bites, en fait, il y a des choses un peu plus importante quoi voilà donc c'est voilà c'est plutôt sympa comme film moi j'ai bien aimé ça suit pas mal Richard Dreyfuss il est très bien dans le rôle du gars qui est censé être le vendeur séduisant un peu célibataire endurci tout ça puis bon bah Danny DeVito on a l'habitude de le voir jouer les râleurs donc voilà quoi donc c'est ça mais voilà. Donc c'est plutôt sympa. Moi j'avais chopé le DVD dans un bac un peu au pif et je l'avais de côté depuis un moment donc je suis plutôt contente de l'avoir vu. Ouais, parce que je me dis, ça doit être une vieille édition DVD. Je pense pas qu'il doit y avoir une réédition récente, quoi. J'en sais rien du tout. J'en ai aucune idée. Tu sais, c'est des trucs les bacs à 1 € et tout. Oui. Je crois même que j'avais dû avoir les 5 DVD pour 5 €. Je sais pas. Ou peut-être Ça même. va. Non. Ouais, c'est un. Non, même pour 3 € peut-être. Je sais plus. Enfin, bref. Ouais, alors, mon cher Mio, Oui. parle-nous de ce cher Bertrand Tavernier qui nous a quittés cette semaine. Oui, et ben voilà, j'ai voulu aller de mon petit hommage à Tavernier, qui nous a quittés effectivement le 25 mars 2021, le jour de mon anniversaire, hein, encore un qui fait exprès, Oui, bien sûr. à 79 ans. Non, mais j'en discutais avec un Geoffrey qu'on a parfois invité dans nos émissions pour le Poney Cosmique. Ouais. J'ai remarqué qu'à chaque fois, ils vont venir ça avec quelqu'un qui disparaît. Bon, ça arrive pas tout le temps, tu me diras, parce que sinon, là, c'est le complot pas possible. Mais voilà, en 2019, j'avais été peiné de voir la disparition de Scott Walker, chanteur et crooner que j'adorais et que j'adore encore, quoi. Mais bah. Alors, pour Tavernier, par contre, c'était pas un cinéaste dont je raffolais des films. Et je vais très vite pour dire pourquoi. Parce que très souvent, dans le cinéma de Tavernier, il y a une part sociale et politique qui a tendance un peu à me gaver, on va le dire clairement. Vu que déjà moi je ne me considère pas trop comme politique, on va dire que je suis apolitique avec le A de anti devant. Et même dans un film comme Quai d'Orsay, ou qui reprend toute la personnalité d'un certain Dominique de Villepin transposé dans un premier ministre fictif qui jouait par Thierry Lhermitte, il trouve C'était le moyen. lui qui est d'Orsay, je m'en rends pas compte. C'était lui, c'était son premier passage vers la comédie. Il a essayé de faire une comédie, c'était son premier passage. Bah moi je l'avais bien aimé, je j'avais pas Ah oui, détesté, mais c'est pas assez sympa. moi aussi je l'ai bien aimé, mais il y avait quand même sur quasiment 2 heures du film, il trouvait le moyen de mettre un truc avec des immigrés, avec une classe avec des immigrés, etc. À un moment, avec la copine du héros qui joue par Anaïs de Moustier, qui disait, ouais, vu que tu bosses pour le gars, etc. Tu pourrais lui en toucher 2 mots, etc. Tout ça. Ah, c'est un truc qui n'était pas dans la BD de base en plus déjà, et c'est. Ah mais c'est parce que toi t'es peut-être est-ce que le cinéma politique et militant en soi te plaît ou pas? Ça dépend, ça dépend. Le truc, c'est que, quitte à faire de la fiction et d'avoir un sujet de base principal, je suis d'avis qu'il faut parfois pas s'encombrer de détails que tu rajoutes, parce que là, le détail, pour Quai d'Orsay, le sujet principal, c'est ce ministre qui, en lui tout seul, une espèce d'entité, comme de comédie, à lui tout seul, quoi, avec le décalage qu'il met dans le ministère avec tous ses hommes de main, les gens qui travaillent pour lui, et voilà. D'où pour moi je trouve ça artificiel et un peu inutile de rajouter une petite sous-intrigue de 10-15 minutes avec ses écoles tout ça. Et j'avais eu le même cas quand j'avais vu Le Juge et l'Assassin. Le Juge et l'Assassin, on a la confrontation de Noiré qui joue le juge avec un tueur en série qui est joué par comment il s'appelle déjà, il nous a quitté aussi, ex-commentateur Galabru, voilà. Avec Galabru qui jouait un tueur en série dans la montagne. C'était vraiment c'est inspiré d'une histoire réelle avec un juge qui avait poursuivi un fameux tueur un peu. Et à côté de ça, on avait tout un truc avec j'ai plus la révolution qui allait se préparer, un autre truc en sous-texte, etc. Qui était toute la dernière minute du film, Juge et l'Assassin. Et je comprenais pas trop à l'époque pourquoi c'était un truc comme c'est un peu comme un cheveu sur la soupe. Dit, ah, mais pourquoi c'est rajouté à ça, l'histoire principale? Pourquoi ça arrive à la fin? Des 1 minute, quoi, l'histoire est finie. Donc, c'est un truc qui m'a toujours un peu gêné parfois chez Tavernier, quoi. Il y a des moments où ça passe, il y a des moments où ça casse. Moi, j'ai l'impression que c'est un truc typiquement de cinéaste français avec quelques convictions de vouloir absolument mettre une morale qui lui est propre, en fait. Bah, le problème de Tavernier, c'est toujours de mettre des trucs sociaux et engagés dans son cinéma. Il a même fait un documentaire consacré donc sur la guerre d'Algérie, plein de trucs, etc. Enfin, voilà. C'était quelqu'un de très engagé. Et des moments où son engagement, moi je suis pour. Par exemple, il y a quelque chose de très de connu au fait de Tavernier. Il a commencé comme critique de cinéma. Il fut même attaché de presse d'un certain Jean-Luc Godard. Et là où Truffaut et tous les jeunes tueurs de Nouvelle Vague, il faut se rappeler l'article de François Truffaut qui était contre le cinéma de qualité française, entre guillemets, un certain cinéma de papa, bien bien pépère dans ses bottes, qui suivait un scénario, etc., sans trop chercher à s'encombrer de trop d'innovations techniques, ni rien, si ce n'est quelques dialogues, tout ça. Et Truffaut tirait à boulets rouges sur des scénaristes comme Orange et Bost. Voilà, donc Jean Orange et Pierre Bost. Ce sont des gens qui travaillent donc pas mal avec Carné, Prévert, tout ça. Et dès qu'il y a eu le truc de tout l'article qui était un gros boulet rouge chez de Truffaut, ils se sont un peu retrouvés un peu au placard, on va dire. Et Tavernier, quand il va commencer le cinéma, qu'est-ce qu'il va faire, Tavernier? Il va les réutiliser, Orange et Bost. Ils vont écrire le scénario de ses films. Pas tous, évidemment, parce que Bost, lui, est mort en 75. Et Orange va mourir beaucoup plus tard, en 89. Mais du coup, quand Bost va mourir, effectivement, Orange va continuer seul la collaboration avec Tavernier. Et les films qu'ils ont tournés ensemble, enfin les films dont Orange chez Bost et puis Orange ensuite a fait le scénario pour Tavernier, on compte L'Horloger de Saint-Paul, justement, le premier film de Tavernier en 74. Il n'y a que La Fête commence, qui vaudrait un prix du meilleur scénario justement à Orange en 75. Tavernier justement retrouve en plus Noiré. Il y a Le Juge et l'Assassin, justement, de 76. Et il y a aussi Coup de torchon en 81. D'ailleurs, on retrouve aussi Noiré. Voilà. C'est assez intéressant d'ailleurs de retrouver que Tavernier s'entoure d'une équipe. Donc avec Orange au scénario, Noiré qui va tourner beaucoup de films avec lui, qui va être un peu son acteur fétiche, et je le comprends. Et même à la musique, on a Philippe Sard qui va faire la musique de pas mal de films de Tavernier. Magnifique musique d'ailleurs. Et pour ce premier film, donc notre cher Bertrand va filmer donc Saint-Paul, c'est un quartier à Lyon. Et Tavernier est originaire de Lyon. Donc, on va dire, certains diraient qu'il ne se fait pas chier, etc. Voilà. Moi, j'y vois quelqu'un qui connaît ses limites dès le début et qui va utiliser à fond le peu de moyens qu'il a, le peu de budget. Il va connaître une ville qui connaît sa poche. Il rend même hommage à Lyon avec beaucoup de plans du métro, du fleuve, de la Saône qui passe à côté, des plans de la ville, etc. Je dirais pas que c'est contemplatif, mais il y a des petites pauses, des petites respirations comme ça avec les plans de la ville, là où on reprenne le récit. Pour moi, c'est un hommage à sa ville. Et d'ailleurs, comme Tavernier aimait bien tisser des liens avec les films, l'horloger en question, qui est joué par Noiré, fera une petite apparition dans un film qui s'appelle Un dimanche à la campagne, vu que ça se déroule aussi un peu à Lyon. Donc voilà, c'est voilà. Mais ça n'aura aucun rapport, on ne saura pas ce qui s'est passé pour avec l'horloger à la fin, etc. Voilà, c'est juste un caméo. Donc l'horloger de Saint-Paul, donc Tavernier tourne en 1974, s'inspire d'un roman de Simenon qui s'appelle L'horloger d'Everton. Le roman de Simenon se déroule aux États-Unis. En plus, voilà, ça c'était reproché à Tavernier d'avoir changé le cul, d'avoir déplacé le paysage américain en France, à Lyon. Mais voilà, mais il arrive à magnifier Lyon, etc. C'était aussi une ville où j'ai à un moment j'y étais parce que ma grand-mère était dans le sud, pas très loin de Lyon, mais à un moment j'ai fait un petit stage de bande dessinée d'une semaine à Lyon, donc je prenais le bus, le métro, c'était bien. Non, c'est très joli, Lyon. Ouais, voilà. Donc du coup, pour le film, donc Michel Descombes, qui est joué par Noiré, est un horloger dans le quartier de Saint-Paul à Lyon. Et un beau matin, il y a des policiers qui sont à son atelier et qui vont lui poser des questions sur son fils sans vouloir lui dire ce qui lui s'est passé. Alors lui, il est un peu interloqué, parce que lui, sa petite vie de tous les jours, c'est un célibataire qui est veuf depuis plusieurs années. Son fils est très libre, tout ça, il le voit de temps en temps. Il a juste remarqué que sa camionnette avait été changée de place. Il s'est dit, bon, mon fils doit avoir la vingtaine, il l'a empruntée pour aller faire des trucs, etc. Il me la rendra le lendemain, d'autres trucs. Et les policiers l'accompagnent hors de Lyon, où sa camionnette a été retrouvée vide. Et le commissaire, Jean Rochefort, qui arrive, va lui apprendre que son fils a tué un homme et que la voiture, ils ont mis le feu parce que son fils s'est barré avec une fille, un peu façon Roméo et Juliette. Donc ils ont tué un homme et ils sont barrés. Juste après avoir mis le feu à la voiture du gars, c'est une voiture en feu qu'on voit dès le matin, dès le début du film, avec le générique, avec un gamin qui est à la fenêtre d'un train qui passe, il voit la voiture en feu, et après la caméra survole la voiture qui est enflammée. D'ailleurs, un petit mot sur la mise en scène. J'ai l'impression qu'il y avait pas mal, et c'est assez vif, assez alerte, il doit y avoir des plans tournés, les caméras un peu à l'épaule, les travelling, tout ça. Et c'est intéressant de constater que Tavernier, en reprenant des cinéastes qu'on disait un peu le cinéma de papa, des cinéastes un peu en pantoufles, comme Truffaut les critiquait, comme Orange et Bost, Tavernier, pourtant, ne se base pas que sur le texte et a une mise en scène avec des travelling, des plans assez alertes, même des plans à la grue, tout ça, etc. Ce qu'on ne pouvait pas forcément voir souvent dans le cinéma de l'ancien temps, quoi, que les jeunes Turcs de la nouvelle vague un peu critiquaient. Voilà, fin de la parenthèse mise en scène. Et donc, en fait, tout le film, en fait, n'est pas une enquête policière. Quand on connaît un peu Simenon, les romans de policiers comme Simenon qui sont très métaphysiques, tout le film, en fait, va être cette espèce de face-à-face entre Descombes, donc Noiré, et le commissaire Guibou, joué par Rochefort. Donc voilà, deux acteurs monstrueux, voilà, et qui se flairent un peu, tout ça. Le commissaire, bon, c'est quand même lui qui a un peu la sale besogne, le boulot, parce que même si c'est pas lui, que ces hommes, même si c'est pas ces hommes qui vont forcément arrêter le gamin en fuite et sa copine, ils seront transférés à une prison à Lyon, etc. Il sera forcé d'être là, le commissaire, pour l'interroger, tout ça. Donc voilà, on sent que c'est lui qui fait le sale boulot, et il essaye de signer un peu d'amitié avec l'horloger qui est joué par Noiré. C'est assez ambigu. Est-ce que c'est une vraie amitié? Ou est-ce que c'est pas pour servir ses intérêts, pour lui poser des questions sur son fils? Quels auraient été les motifs de ce meurtre, etc. C'est vraiment fascinant. Et plus le temps passe, plus Noiré s'aperçoit, enfin Descombes joué par Noiré, s'aperçoit que son fils, finalement, il le connaît très mal. Il y a des choses, il le connaît, il pensait le connaître, il le connaissait pas aussi bien que ça. Voilà, enfin, je vais pas en dire plus, c'est plus drame intimiste psychologique qu'une enquête policière véritable. Et il y a des scènes magnifiques où Noiré, mais je sais pas s'il a eu des prix pour le film quand je l'ai regardé, mais Noiré, on le voit se décomposer, etc. Et voilà. Moi, je vois Noiré, c'est comme Trintignant, qu'on file un bout d'Ukraine à cet homme, qu'on file une médaille. Ah, Ah non, mais c'est ça, quand tu vois les grands acteurs, tu te dis, putain, il est bon, putain, il est incroyable, quoi. Et voir Noiret dans un rôle sérieux, mais Rochon aussi dans un rôle sérieux, qui est pas du tout de comédie, qui est un rôle, bah, du sale boulot. Et oui, effectivement. En plus, il dit, je m'en souviens maintenant, il dit dès le début du film, le prix, dès le film, c'est le premier film de Tavernier, il gagne tout de suite d'emblée le prix Louis de Luc, en tant que premier film, déjà en 73. Hein? Déjà gagnant du premier film, il va être nominé au Festival de Berlin, il va gagner des prix aussi, spécial prix du jury, etc. Il va être, oui, gagnant dans les critiques pour le critique cinéma, meilleur film étranger, meilleur film étranger en 76, quelques années après. C'est intéressant, quoi. Déjà, pour son premier film, on voit que, évidemment, Tavernier n'exploite pas forcément tout son potentiel, mais on sent déjà qu'il est bien parti. On assiste déjà à la naissance d'un cinéaste qui va aller loin par la suite. Donc voilà, j'ai dit un peu tout ce que je voulais dire sur le film. Il y a d'autres acteurs dans le film, évidemment. Il y a Cécile Vassor, il y a Christine Pascal, qui a une petite carrière intéressante dans le film a commencé par la suite. Je sais pas si ça dit quelque chose. Christine Pascal, là, il joue Liliane, l'amoureuse du gamin. Donc c'est un rôle assez mignon, on la voit très peu dans le film. Christine Donc, Pascal. Christine Pascal, De oui. nom, ça me dit rien, mais je vais Non. voir sa tête. Elle jouera par exemple avec Richard Berry dans La Garce. Elle va rejouer aussi un petit rôle dans Que la fête commence de Taverny à nouveau. C'est De sa quelqu'un qui tête, a ça me eu. dit quelque chose, mais elle est très, enfin, elle a un visage quand même assez angélique, je trouve. Tout à fait. Et même, elle a aussi tourné dans Le juge et l'assassin, tiens, mais elle n'est pas créditée. Ça devait être déjà un caméo, genre pour Coucou Bertrand, t'as un petit rôle pour moi, je fais deux trucs en même temps, mais c'est un petit rôle. elle joue aussi dans Des enfants gâtés de Taverny. Ah oui, d'accord, si. Je me disais, Tavernier, il aime bien réviser ses acteurs, etc. Au moins, ils ont du boulot avec lui. Non, c'est bien. Bah, il aime, Donc, enfin, il aimait sûrement bosser avec les mêmes personnes. Quand t'as trouvé quelqu'un, c'est vrai en que. plus, Tavernier, c'est quelqu'un qui, quand on connaît ses entretiens sur le cinéma, qui est un passionné et quelqu'un d'assez franc, c'est lui qui a soutenu une actrice quand il y a eu le procès du réalisateur qui a fait du bruit de fureur. Comment il s'appelle, lui, déjà? Attends. Qui était accusé d'attouchement sexuel. Ah, ça doit être. Attends, je vérifie si c'est celui auquel je pense parce que. Attends, De bruit de fureur, c'est 88 déjà. Georges Oui, Brissot. Brissot, bien sûr! Voilà. Tavernier avait été auditionné lors du procès de Brissot pour harcèlement sexuel. Et Tavernier, il a clairement mis en cause que les effets de Brissot de ses actrices, etc., c'était n'importe quoi, c'était harassant, etc. Et des actrices qui ont eu à la fin du procès dire merci, quoi. Merci. Mais tu sais, moi j'ai connu une actrice qui défendait Brissot et elle me disait oui, bah pourtant, moi, en tant que victime de viol, et je me suis dit, mais en fait, elle justifiait ça par le côté artistique, c'est-à-dire que c'était vraiment. Alors d'habitude, c'est plutôt des hommes que j'ai vu défendre ce côté-là, mais j'étais super étonnée de voir une actrice. C'est intéressant. Ouais, mais bon, après, moi, je suis tout à fait Est-ce pour qu'il soit enfermé, mais c'est. eu des avis positifs d'actrices mais aussi négatifs évidemment sur Brissot, quoi, donc Mais parce que ça dépend comment tu envisages le métier, je pense. Et il y en a qui envisageaient ça en fait. Mais après c'est très particulier, c'est-à-dire que t'en as qui te disaient que c'est que vraiment tu peux pas feindre, faut que l'art soit vrai, machin et tout. Et du coup qui légitimait ce que faisait Brissot. Mais à ce moment-là c'est la porte ouverte à tout, quoi. Tu vois, enfin. Bah, n'oublions pas le réalisateur de l'Exorciste, notre cher bon déjà, on est fatigué. Friedkin. Notre cher Friedkin, qui lui n'hésite pas à maltraiter ses acteurs et ses actrices. Hein. Oui, mais alors à moins qu'il aime taper les gens, je veux dire, tu fais, Friedkin, enfin. je me souviens plus si l'anecdote c'était pour lui ou pour un autre réalisateur où il n'hésitait Bon, pas à dominer ses acteurs. après c'est un long débat, mais dont j'ai pas envie de. Je pense que c'est le genre de débat dont personne n'a jamais la réponse en fait, donc c'est pour C'est ça que ça, c'est bien de laisser ça à la justice finalement. c'est compliqué pour nous. Donc voilà. Donc voilà, Tavernier, donc c'est quelqu'un d'entier, enfin c'était quelqu'un d'entier, d'engagé, etc. Et pour revenir un peu sur ce que j'ai dit au début, je regrette juste que par moments, cet engagement verse un peu trop dans le politique et social. Et d'ailleurs, justement, l'horloger de Saint-Paul, il en profite pour faire sa petite pique contre l'époque, etc. Tout ça, au début du film. où il y a un débat sur la peine de mort dès le début, voilà. Et à la fin du film, où il dit, n'hésite pas à dire dans la bouche d'un de ces personnages que les Français c'est tous des cons, etc. Bon, voilà, voilà. Petit On a envie message. De dire, mais Bertrand, écoute, t'as tes documentaires pour voilà, mais voilà, mais voilà. Mais, bon, alors, après, tu peux faire une fiction engagée, ça n'empêche pas. Hein. C'est ça, mais dans ce cas-là, il faut que ce soit tout le sujet principal du film. Voilà, il faut pas que ce soit juste des petits bouts dans le film, quoi. Moi, à la Rosée de Saint-Paul, le sujet principal du film, c'est la confrontation entre le père et le policier. Et ensuite, dans les dernières minutes, quand on voit enfin le visage du fils, entre le fils et le père, pour comprendre les motifs, etc., pour essayer de pardonner, de comprendre ce fils, etc. Voilà. Et non pas en disant les débats socialistes, etc., tout ça, qui vont gangréner tout le film en entier, comme ça a pu arriver chez Taverny, quoi. Je pense voilà, que c'est sur ça devait être fait de manière maladroite, plus qu'autre chose. Parce que je pense que tu peux mettre des petits messages par-ci, par-là, sans que ça dénature le film, quoi. C'est ça. Mais du coup, dans Le Rocher de Saint-Paul, ça prend pas trop de place, ça va. Ça m'avait un peu plus gêné, comme j'ai dit dans L'Assassin, par exemple. Où, ouais. Bon. Voilà, voilà. Mais voilà, c'est pour ça que le cinéma de Taverny, chez moi, parfois, ça passe ou ça casse. Et là, hier soir, c'est passé. Et c'était bien. Non, c'est vraiment un bon film. Il méritait son prix. J'ai beaucoup aimé. D'accord. Et puis voilà, Noiret et Rochefort, voilà quoi. Ah là là, des acteurs cette trempe, on n'en trouve plus beaucoup dans le cinéma français, voire plus du tout. Voilà, oui, voilà quoi. Ouais, donc moi j'ai enchaîné. Enchaîne avec I Am Not a Serial Killer de Bill O'Brien. Je sais même pas comment il a atterri dans ma liste de films à voir, en fait. C'est-à-dire que je l'avais, parce que j'ai une petite liste de films que je mets de côté à me dire faut que je les trouve un jour. Et je sais même pas pourquoi il y avait celui-là. Donc je me suis dit, tiens, bon, bah, tapez dedans. Je sais même pas où est-ce que j'ai pioché l'idée. C'est bien que t'en parles parce que moi, c'est un film qui m'intéressait justement. J'ai jamais vu, mais il m'intéressait aussi à un moment, je voulais le voir. Il est pas donc, si vieux, hein, de toute façon. Donc, non, il est récent ce que je vois. Donc, Ouais, 2016. Donc, l'histoire. Dans un petit bled du Midwest, on a le jeune John Wayne Cleaver. Donc, John Wayne. C'est soit pour John Wayne, soit pour John Wayne Gacy. Mais vu le personnage, je dirais plus que c'est John Wayne Gacy. D'accord. Parce que c'est un ado qui est passionné par les serial killers, la mort et tout, parce que bon, en plus sa mère tient des pompes funèbres dans lesquelles il donne un coup de main de temps en temps. Son père est absent, voilà, il se fait persécuter par la brute de l'école, dont il saura se débarrasser d'ailleurs par quelques lignes de dialogue assez drôles. Et il a un seul ami, bien sûr. Et bien ce petit John Wayne décide de traquer le tueur en série qui sévit dans son petit bled. Voilà. Donc, à la base, c'est un roman de Dan Wells qui est paru en 2009. Et apparemment, bah, il y a en tout 6 bouquins dont John Wayne Cleaver est le héros. Donc c'est une espèce de série pour les jeunes ou pour les adultes, tu dirais plutôt pour les adultes? Non, c'est un bouquin tout court. Pas précisé. Non, parce que généralement, quand ils précisent quand c'est la littérature young adulte, là, c'est pas précisé. Donc, c'est très étonnant. Je sais pas si tu te rappelles, il y avait eu un film de Bryan Singer qui s'appelle Un élève doué. Tirer les nouvelles de Stephen King, où il y avait un élève qui, un jeune ado qui retrouvait la trace d'un ancien nazi. Ça me dit vaguement quelque chose. Ouais. Et, bon, le film, j'ai pas vu ce que ça donnait, le film. Mais la nouvelle, beaucoup de gens trouvaient que c'était tendu un peu trop, la nouvelle de Stephen King. Moi, j'ai retrouvé très bien cette nouvelle. D'accord. Okay. Et voilà, ça me fait penser, c'est curieux. Donc, est-ce que ça s'est inspiré? C'est un film de 98. Yep. Ouais. Ah, avec Ian McKellen et Bernard Renfrow. Eh oui. Ok. Donc, je reprends. Donc, il y a 6 bouquins avec John Wayne Cleaver et cette adaptation, c'est le premier bouquin en fait. Mmh. Et donc le budget du film est vraiment petit. Enfin, comparaison à d'autres films, hein, c'est il y a un budget de 1,45 million qui a été fourni par l'Irish Film Board, Quickfire Film et The Fish Facility. Enfin, c'est vraiment trois petits trucs. Oui, c'est pas Star Wars, quoi. Ouais, c'est ça. C'est vraiment des petits trucs quand t'as grappillé sur quelques trucs qui pouvaient te donner des sous, quoi. Bref. Le film a été filmé sur divers endroits dans le Minnesota. Et en fait, d'un point, enfin pour ce qui est des États-Unis, en fait, on a donc on a le lieu de où ça a été filmé. J'ai pas vérifié si les deux prods étaient américaines ou pas, mais et on a les deux acteurs principaux, donc c'est-à-dire Christopher Lloyd et bah ouais et Max Ricord. Parce qu'après, on passe sur des acteurs irlandais ou anglais, et le réalisateur est irlandais. Donc le réalisateur, en fait, donc il est irlandais, c'est son troisième long métrage hors TV et court métrage. Les deux premiers, en fait, bah c'est curieux parce que c'est des notes, ils sont des notes assez moyennes, alors qu'en fait ils ont quand même reçu des prix. Donc je me dis, enfin, et c'est genre sur IMDb où tu le vois assez moyennement, je trouve ça un peu bizarre. Enfin, bon, bref. Ouais, mais parfois, après, il y a des trucs qui ne rencontrent pas le grand public, qui ont plus ou moins un succès public critique, je veux dire. C'est là que tu vois qu'il y a vraiment une différence entre le public de festival et le public C'est classique. ça. Et donc pour ce film-là, il a fait appel à Christopher Lloyd pour interpréter un des personnages principaux de son film. Il s'est fait Yay! plaisir quand même, hein. Le mec, il a un tout petit budget, il fait, oh, on prend Christopher Lloyd, Non, Christopher Lloyd qui a bouffé la moitié du budget. je pense pas, parce que le film est intéressant, le rôle est intéressant, et c'est ouais, c'est pas le genre de truc où tu te dis, je vais en demander un max. C'est marrant parce qu'en fait, il tourne encore, hein, que ça fait un début tout jeune, mais il tourne encore, que ce soit au ciné ou à la télé, et dans tout type de prod apparemment. Ouais, mais après le problème c'est qu'on lui propose souvent des rôles, des parodies qui font clin d'œil à Retour à le futur, quoi. Le pauvre, il en a Oui, marre, et il quoi. y a des trucs des fois un peu genre, je sais plus, c'était Piranha 3D ou 3DD, je sais plus, un des deux, je sais plus. En fait, où bah il est juste au téléphone dans une scène et tu te dis, mais il était vraiment pas en forme pour faire que ça, quoi. Enfin, alors que là, tu vois, le truc est de 2016 et il tient encore quand même encore bien beau, quoi. Alors dans ce film, il interprète un voisin. Du jeune personnage principal, justement, un gentil vieux, hein, dont le corps est rattrapé par le temps. Donc de temps en temps, le jeune voisin va l'aider pour des trucs et tout. Mais bon, on prend pas Christopher Lloyd juste pour faire un petit vieux, hein. Donc certains, d'ailleurs, enfin, t'as certains angles en fait sous lequel il est filmé. Des fois, en fait, ça, il est, enfin, t'as l'impression qu'il est méconnaissable, que c'est pas son visage, alors que c'est juste un plan de côté. Mais avec la lumière, tout ça, t'as l'impression que c'est pas lui, quoi. Et en fait, on oublie facilement le Christopher Lloyd qu'on connaît, quoi, tu vois, par ça, la manière dont il est filmé et par son interprétation. Et en fait, t'as aussi le jeune Max Ricord, justement, qui joue le personnage principal, donc John Cleaver. Lui, il a quelques films à son actif, mais pas trop, en fait. C'est pas, tu sens que c'est un jeune acteur, mais qui s'est pas précipité pour faire des masses de trucs non plus, ou alors, je sais pas, il a pas trop, mais je pense que vu les rôles qu'il a eu, c'est juste qu'il s'est pas précipité. Il a fait quelques vidéos, quatre longs métrages, dont Max et les Maxi Monstres de Spike Jonze. Et le film I Am Not a Serial Killer est le dernier film dans lequel il a joué quand même. Ça date de 2016, ça fait 5 ans qu'on l'a pas vu dans un métrage. Il faut du maître du boulot. Ouais, mais je pense que c'est parce qu'il est peut-être intéressé par d'autres trucs. Hein. T'as Laura Fraser qui joue la mère de John Cleaver. Elle, c'est une actrice britannique qui a une carrière plutôt longue comme le bras. Hein. Donc, je crois que sa carrière a dû débuter début 90, un truc comme ça. Il y a beaucoup de télévision, dont Breaking Bad et son spin-off Better Call Saul. Bah, après, je peux pas dire qui elle a joué parce que j'ai vu ni l'un ni l'autre, en fait. Donc, je suis désolée. Et puis, dans les quatre... Voilà, personnage central. Après, t'as deux autres personnages qui sont un peu plus entrés, mais voilà. T'as Carl Geary qui joue le psy de John Wayne Cleaver, qui est aussi un acteur irlandais qui a joué dans quelques prods. Et c'est marrant parce qu'en fait, il a commencé la même carrière, sa carrière à la même époque que Laura Fraser, mais il figure dans beaucoup moins de productions, en fait. Donc, c'est marrant de voir la différence entre les deux. Après, on est sur un film qui a une ambiance clairement de film indépendant, hein. Je veux dire le budget, la manière dont c'est filmé, tout ça, mais pas film indépendant ou qui passe son temps là, avec la caméra à l'épaule. C'est vraiment, il y a une cinématographie recherchée. Et la progression de l'histoire est plutôt bien gérée. En fait, on sent pas le côté cheap, on sent pas qu'il manquait de budget, en fait. Et ils prennent le temps d'expliquer le contexte, de sceller les personnages, mais on s'endort pas sur le sujet non plus, quoi. Il y a un bon rythme, tout est bien géré, quoi. Après, les acteurs sont suffisamment investis et dans un jeu plutôt naturel. On est vraiment sur des personnages qu'on pourrait voir tous les jours, quoi. C'est cette ambiance de petit coin perdu des États-Unis, quoi. En fait, du coup, ça rend pas. Il y a un truc qu'on va apprendre sur un des personnages. Et là, on bascule dans une autre ambiance. Et ben, en fait, on pourrait basculer vraiment dans une autre ambiance. Mais cette petite ambiance de coin perdu, en fait, mais ce truc-là s'insère plutôt bien dedans, en fait, sur la manière dont c'est filmé. Ça paraît même pas décalé, quoi. Alors qu'on pourrait vite basculer dans un truc, dans un truc complètement ridicule, quoi. Donc le film reste assez plaisant, il suit facilement. Entre autres, grâce à l'interprétation principale du jeune Max Ricord, qui offre une certaine fraîcheur à son interprétation. Et concernant ce personnage, d'ailleurs, en fait, on nous le présente un peu comme un ado largué, mais en réalité, il est bien plus entouré et pris en charge et moins instable qu'on le pense. C'est justement ce que l'histoire va révéler. D'ailleurs, on perçoit dans la dernière scène. Enfin, on l'aperçoit de manière bien plus positive qu'on peut le faire dans un contexte similaire au début du film. Parce que à la fin de la dernière scène se passe, comment dire, se passe. Ne spoil pas trop. Ouais, c'est ça. La dernière scène se passe, bon, elle se passe dans les pompes funèbres de sa mère. Et il y a une scène au début du film qui est pareille. Et en fait, tu vois les deux. Qui est pas tout au début du film, mais qui intervient dans les premières minutes du film. Et en fait, tu peux comparer les deux. C'est-à-dire que dans le premier film, tu fais ah ouais, quand même. Et dans le dernier truc, tu fais ouais, c'est sympa. Ouais, tu le sens parce qu'il y a tout le film et toute la progression de personnage qui est passée derrière. En une fait. Évolution, quoi. Voilà, et tu connais mieux le personnage et son contexte aussi. Enfin, voilà, quoi. La façon que tu le racontes, ça me rappelle un peu Gone Girl, où t'as une scène similaire qui est au début du film et à la fin, sauf que le point de vue est un peu changé, etc. Parce que t'as vu le film entre temps et c'est assez fascinant. Ouais, mais la première scène, elle est pas tout à fait au début du film, hein. C'est juste, elle intervient dans les débuts, c'est tout. Et donc, ouais, en fait, il va, parce que dans l'histoire, il va se retrouver en plein dans ses sujets d'obsession, voire même au-delà, et il va pouvoir y faire face finalement. Là aussi, pour moi, il y a un autre sous-texte, c'est justement l'amour qu'on peut ressentir pour ses proches et ce qu'on est prêt à faire pour eux. Sinon, on a une créature dont le design a été fait par Toby Froude. Et Toby Froude, c'est le bébé qui jouait dans Labyrinthe. Labyrinthe de... J'ai pas vu Labyrinthe, malheureusement. De Jim Henson. Et en fait, on en avait parlé dans notre vidéo sur Bowie, en fait. C'est le fils de Brian Froude. Brian Froude, l'artiste qui a travaillé sur la direction artistique de Dark Crystal. C'est d'ailleurs sur ce film-là que ses parents se sont rencontrés. Et sur la direction artistique de Labyrinthe, justement. Dont les créatures sont très empreintes de la patte. Justement, tu regardes les dessins de Toby Froude, c'est exactement les créatures, quoi. D'ailleurs, c'est Toby qui a repris le flambeau de la supervision des designs pour la série Dark Crystal en 2019. Donc voilà, la familiale, quoi. Voilà. Donc la petite créature de ce film, en fait, la petite créature de ce film, voilà, c'est de Toby Froude. En tout cas, d'une manière générale, en fait, personnellement, j'ai beaucoup aimé, en fait, cette manière non sensationnaliste de traiter le sujet. Enfin, ce côté intimiste, bien plus terre à terre finalement, et le côté, petit bled des États-Unis qui joue beaucoup justement dans cette ambiance. On sent que le film s'est imprégné de l'ambiance de la petite ville, quoi. Voilà, voilà. C'est tout pour nous aujourd'hui, en fait. C'est assez court. C'est pas mal, hein. Ouais. On va vous dire au revoir. Voilà. L'autre, il fait, bah voilà, tu dis au revoir. Non, mais on se retrouvera la semaine prochaine, chers amis, avec ou sans thème, on verra bien. Avec Nelson, surtout. Enfin, oui. je pense, à moins que de nouveau, il travaille encore, mais voilà. Oui, parce que ce cher Nelson travaille les week-ends, oui. Donc, on vous dit, au revoir. Au revoir.